الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. الحمد لله يا رب. طيب، قد أخذنا أمس الدرس حول كان. الله فيك. طيب، ما هي تعريف كان؟ كان يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي. طيب، ما شاء الله، بارك الله فيك. طيب، كان يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي. طيب، طيب، مثال على هذا؟ كان زيد مريضا. كان زيد مريضا، معنى الاسم لأن زيد مريض ماذا؟ خبر في الماضي. طيب، أحسنت. طيب، و cette signification، هذه التعريف ماذا قلنا أمس؟ إما مع الانقطاع، إما مع الاستمرار. مثال مع الانقطاع. كان زيد مريضا. معنى سصغت. زيد était malade quand au passé. Un exemple, l'istimrar daiman. C'est-à-dire cette description là, elle est au passé et elle sera toujours même au futur. Comment? On va donner un autre exemple de ça. C'est là, hier. طيب. نعم، كان الله غفور رحيم. Également on avait dit quoi? Tout ce qui concerne les lois, c'est-à-dire la charia. طيب. طيب، ان شاء الله vous souvenez de ça ou non? طيب. Qui se souvient du verset qu'on a donné par rapport à ça? Ma l'istimrar. Wahbi. Ah, c'est une inna salat kanat 'ala al-mu'minin kitaban wa qurta. طيب، est-ce que la prière elle est prescrite qu'au mardi ou jusqu'à la fin des temps? Non. طيب. Barakallahu fikoum. طيب، كان فعل تام او ناقص؟ ناقص. ما معنى ناقص؟ اي بيان. ناقص. احسنت، يحتاج الى اسم وخبر. معنى التام تجي غير باغزون كوا جلس زيد يكفي. سي كومبري سا؟ جلس يحتاج الى فاعل. اي سا اون فيرا دون 3 بيان اون ديتاي كو يا دي فيرب يزون بيزون كو دان سوجي. يا دي فيرب يزون بيزون دو كوا؟ دو دو. Vous allez voir, c'est-à-dire d'un sujet d'un mef'ulbi. Darabtu. Ihtaji la mef'ulbi. On verra également, il y a des verbes, ils ont besoin de deux mef'ulbi. Et certains, ils peuvent arriver après à trois mef'ulbi. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dans la langue arabe. Mais faut, Inch'Allah. Il y a un naqis, ma'ana, barakallahu fikoum, c'est que son marfou, lui, suffit pas. Tu diras pas, kana zaydun. Taïb. Ou même, ma'ana, il y a un. Que je voulais dire. Hal wa kana. جامد او متصرف. ما معنى متصرف؟ معنى ياتي للماضي. كما لا لا ليس ليس والمضارع هذا ياتي للماضي والمضارع والامر كان يكون وكن. طيب، قلنا ان كان تحتاج الى ماذا؟ الى اسم وخبر. طيب، اسم كان سيسخات كوا توجور ou ça peut être, ça peut changer. T'as compris ce que je veux dire? Si je dis plus, t'as la réponse. Qu'est-ce que ça peut être? C'est quoi le ism? Ism kana. Ouais, c'est soit un ism d'air. Exemple, ism d'air. Ism d'air. Kana Muhammadou, kana Muhammadou maridan. Maridan. Ou un mithal, ma d'amir. Kana hu. Kana hu, ouais. سلام. كان هو مريض. مريض. مريض. مريض. سي كوا لو هو سي هو سي يتي لو هو سي المفعول تريز داوي دون زمان باسكو كان هو انا جامي بارلي كوم سا كان هو مع الضمير. است كون بو لو ضمير هو است كون بو لو فير اباريتر افيك كان؟ Pas encore, on n'a pas utilisé ça. Kuntuhu, akada. Kana. Aïn da ism kana ici. Si je te dis Zaydun kana maridan. Zaydun kana maridan. Aïn al ism kana. On est le mustatir. Houa. Mais il apparaît pas, tu dis pas kana hu. Dis-moi que tu étais malade toi, tu diras quoi?

Est-ce que tu as bu le jus d'orange ou le jus de raisin? T'as asira al burtuqali sharibta ou sharibti, comme tu veux. Am asira al ainabi. Suivant. T'as asira al mudiri ra'aytum am asira al mudarrisi. Suivant. Ahadihi al majallata. لا قرأتنا أم تلك ربيز مهدي الله يبارك فيك parce que là j'ai dit au frère hein, à partir de 2-3 jours on va rentrer dans الفعل المضارع hein, c'est pour vous je dis ça طيب. Surtout vous maintenant alhamdoulilah parmi vous vous assistez à certains doros en arabe c'est vrai non alors alhamdoulilah il faut que tu saches maintenant conjuguer الفعل الماضي imaginez-vous le frère que ce soit Abou Khattab ou d'autres frères ils vous parlent ça y est, tu sais quel temps ça. Ça c'est important. Et comme je vous ai dit, ça c'est du talab aim ça. Wallah. Même si tu restes 2-3 heures avec le 1, alhamdulillah, t'as fait quoi? Fais talab aim. Faut pas regarder les gens. Chacun, Rabbi lui a donné une capacité. C'est pas parce qu'il y a un frère dans 3-4 mois, tu le vois, il fait kitab tawhid là. Qu'Allah lui donne plus. Et toi, tu demandes, Yallah, donne-moi encore plus. Mais faut, c'est pas tout le monde, on a même la capacité. Vous avez compris? Et ça, faites attention à ça. L'istirjal, il ne faut pas trop. C'est pas chaque fois, il y a un dors qui ouvre, tac, je rentre. Oh, Yassine, tac. Même si demain, Cheikh Rabi, il vient ici, le kitab tawhid, si t'as pas de niveau, rentre pas. Même lui va te le dire. Daras tu sur salata? Rahi daras tu sur salata. C'est vrai ou c'est pas vrai? Car le temps, c'est quoi? Faut pas le perdre comme ça. Alors apprenez al mufradat, les mots, révisez au maximum. Tu vois. Et après, Inch'Allah, tu verras, tu vas être très content. Tu vas écouter les cassettes, tu comprends ce qu'il dit. Tu vas écouter les khutbah, tu sais ce qui, pourquoi il a marfou, pourquoi il est mansou, pourquoi il est majour. Wallah. Hakada. Taïb. Bismillah. Très bien, mashallah. C'est-à-dire, ici, on pouvait dire quoi? Akhata et akhati. Je suis sûr que maintenant, parmi vous, quand vous entendez l'imam lire le Coran, vous faites peut-être attention. Pourquoi il est mort pour Mansou? Tu lis un hadith. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hada. C'est ça, Tamarat al-Nahou. Tu comprends maintenant. Tu vois? Et imaginez-vous encore plus tard, quand vous allez faire les autres livres. Quand tu vas apprendre que le huruf al-jar la ma'ani, dakhalati mra'atun, qu'est-ce qu'on dit? On dira quoi? Fihirratin. دخلت امرأة النار في هرة الفي si on dira quoi on avait vu بسبب tu vois mais quelqu'un qui comprend pas qui a pas fait de nahou comment دخلت ما في هرة comment on peut rentrer dans un chat hey, regardez les secrets de la mangara بسبب مفهوم هذا طيب au suivant c'est fini hein même tout le monde a compris cet exercice hein طيب تعلم الكلمات الآتية تعلم c'est-à-dire te dit apprends les mots suivants نصفون c'est la moitié طيب الثلث c'est le tiers ربعون le quart خمسون un cinquième الثمون un huitième السدوس un sixième تسعون un neuvième سبعون un septième et عشر un dixième كون جملان مستعمل الكلمات الآتية c'est-à-dire forme des phrases en utilisant quoi les mots suivants dakhala c'est-à-dire rentrer bahatha an chercher après taïb je crois il est dans le texte hein, ce mot là cette phrase là je crois qu'on disait par rapport j'ai cherché quoi sonda je crois la Allah yberifikoum le balai hein voilà bahatha anha taïb inchallah al usbu' al madi la semaine dernière al bariha la nuit dernière ziyaratun visite pas le verbe visiter visite طيب ذو ici l'essence de posséder نصفون la moitié طيب et demain inshallah j'interrogerai sur ces mots là الكلمات الجديدة مكنسة جمع مكانس بالي نظارة جمع نظارات لونات صورة جمع صور فوتو à pas confondre avec quoi صورة c'est avec un signe طيب صابون c'est le savon عصير le jus طيب après tu lui mets le jus que tu veux derrière un mudafili. Et koratu al-qadam,